vouloir savoir. Être au pouvoir de soi. Sur ses pieds et parfois sur sa tête, il traîne un gros boulet. Un bétail perdu.